jase. Y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase. Y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine. Début en feu. C'est le grand retour de François Gécouillard à la radio. Depuis des mois, vous écoutez CKIA et c'est l'émission Giramundo. Alors, c'était la réponse de la zone d'expression populaire à la charte du PQ. Zone d'expression populaire mieux connue sous le nom de ZEP. Donc c'est un groupe de Français de Lille. Et avec leur chanson, dont les paroles, vous avez saisi le concept, là, un peu le thème de leurs chansons engagées. Ils sont habitués à la polémique. D'ailleurs, pas plus tard qu'en 2011, il y a une de leurs chansons qui s'appelle Nick La France, qui... L'UMP, le parti de Sarkozy à l'époque, avait interdit un de leurs concerts dans une ville de France pour les empêcher de chanter cette chanson « Nique la France ». Pourtant, je suis certain qu'elle devait être très bonne, cette chanson-là. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Ça prend du goût pour avoir de l'humour. On a entendu la pièce « La gueule du patrimoine », Zaf, Zafi et Bezef. Bezef, ça signifie, c'est de l'argot arabe, ça signifie tout simplement « assez ». D'ailleurs, dans le refrain, il dit « basta, c'est assez ». Bezef. Vous comprenez le concept? Oh là là! Si vous voulez en savoir plus, vous avez d'autres questions, là. Je peux regarder sur Internet pour vous. Ok, oui! 529-90-26. C'est quoi cette chanson-là? Oui, ça va très bien. Alors, on va continuer l'émission, le Giramundo à CKIA. On va écouter une chanson qui s'appelle « Si j'avais beaucoup d'argent », c'est sur le thème de la pauvreté, et c'est du groupe Les Chômeurs. Vous êtes à CKIA 88.3 à l'émission Giramundo. Je me lève le matin pour aller travailler, oh, je suis toujours en retard. Je me rase, je me lave, je me peigne les cheveux, je m'assis à la table. Je prends mon café avec du pain toasté en lisant mon journal. Je me sens fatigué, mes yeux veulent se fermer, mais je dois m'en aller. Ou si j'avais beaucoup d'argent, je pourrais vivre très loin du monde, tout seul délire. Oh, si j'avais beaucoup d'argent, je m'en irais d'ici en chantant. Je m'achèterais un avion et je ferais marche, je mange mon souper. Tout seul, décolle l'avion, un buvard, tu t'échauffes. Assis sur mon balcon, je ne peux pas appeler mes amis pour sortir parce qu'ils sont tous mariés. Alors je reste à la maison et la télévision est ma seule compagnie. Si j'avais beaucoup d'argent, je dirais adieu à tout content. M'en aller où je pourrais vivre, les plaines du monde, tout seul les vies. Si j'avais beaucoup d'argent, je m'en irais d'ici en chantant. Je m'achèterais un avion et je ferais. Hi, I'm Chuck Norris, and this is my wife, Gina. We are here to talk about a growing concern we all share. If we look to history, our great country and freedom are under attack. We're at a tipping point, and quite possibly our country as we know it may be lost forever if we don't change the course our country is headed. We know you love your family and your freedom as much as Gina and I do, and it is because of that we can no longer sit quietly or stand on the sidelines and watch our country go the way of socialism or something much worse. On n'en voit plus guère une espèce qui disparaît très rapidement. Même les Bretonnes. Même les négresses. Forcément, chère madame Durand, ces filles, on les a toutes pourries. C'est elles maintenant qu'il faut la loi. Pensez, la nôtre était nourrie et logée, plus l'argent du mois. Aussi, il ne faut pas qu'on s'étonne. On a tout fait pour les gâter. On était trop bons pour les bonnes. Vraiment, c'est à vous dégoûter. Moi qui suis faite pour être patronne et déployer de l'autorité, eh bien quand je sonne, il vient personne. Car il n'y a plus de bonnes. Quelle société. Pensez chez moi, j'en ai eu 16. Je leur faisais un petit nid coquet, un lit, une table, une lampe, deux chaises. Ça donnait sur les cabinets. Évidemment, ça manquait de vue, on n'y voyait jamais le soleil, mais... Mais la nuit, c'est chose superflue. Surtout avec un bon sommeil, et quand le réveil carillonne, au point du jour joyeusement, sachant que le soleil rayonne, devant dans tout l'appartement, on se lève et l'on se savonne, avec plus de zèle, évidemment. Le soleil, lui, le gaz ronronne. Ben, il n'y a plus de bonne, sombre moment. Ça devait finir dans la débauche, selon la loi du moindre effort. Et tout ça, c'est la faute à la gauche, aux soviets, à Blum et consorts. J'en ai reçu une cet automne qui m'a dit d'un air insolent, bonne à tout faire, moi je suis pas bonne, elle est partie en ricanant. La morale, je vous l'abandonne. La base du régime bourgeois, son piédestal, c'était la bonne. Sans elle, tout s'écroule à la fois. L'office, le salon, la couronne, l'ordre, l'autorité, la loi. Y a plus de bon Dieu, y a plus personne. Quand y a plus de bonne, y a plus de bourgeois. Hi, I'm Chuck Norris, and this is my wife, Gina. We are here to talk about a growing concern we all share. If we look to history, our great country and freedom are under attack. Children and our children's children say of us, we justified our brief moment here. We did all that could be done. Please stand with us. Let's unite for God and country, and may God continue to bless the United States of America. See you at the polls. Thank you. De Gilles, les bonnes. La vie moderne nous oblige aujourd'hui à vivre tout le temps de notre vie. Toujours plus vite, comme les chevaux qui courent sur la piste. Que vous soyez facteur ou même médecin, gendarme à pied ou bien mécanicien, tiens. toujours plus vite, il faut que vous suiviez l'âge atomique. Que ça vous aille ou que ça ne vous aille pas. Mais voyons, monsieur, ça ne vous regarde pas. Ah oui, ça me regarde. Ce n'est pas vous qui faites la loi ici-bas. Il y a des gens pour s'occuper de ça. Votre devoir est de ne dire rien et de poursuivre droit votre chemin. Toujours plus vite, et les années passent ainsi à la suite. Fréquentez une jeune fille, ne lui dites pas de choses inutiles. Toujours plus vite, dites-lui le but de votre visite. Et quand vous vous en allez en auto, point, point, surtout jamais n'ayez peur des poteaux. Toujours trop vite, vous connaîtrez un jour ce qu'il médite. Il faut que vous suiviez l'allure de votre temps et que vous oubliez qu'existe le printemps. Car la seule chose qui compte vraiment maintenant, c'est de pouvoir posséder un peu d'argent. Et puis un jour, quand vous vous éteindrez, on aura bientôt fait vous oublier. Toujours plus vite, mais oui monsieur, c'est ça la loi d'aujourd'hui. Oui, toujours à Giramondo, accompagné de François Gécouillard. On vient d'entendre un bloc dédié à la pauvreté. Peut-être qu'il y a des gens sur l'aide sociale qui nous écoutent. On vous salue. On a entendu les Girola faire toujours plus vite. Il faut aller toujours plus vite dans ce monde. Il faut surtout se taire. Hein? C'est une chanson quand même qui est beaucoup intéressante, que j'ai découvert récemment. Et on a entendu... Les Gilles, avec la chanson Les Bonnes. Ça aussi, c'est une chanson qui a un propos intéressant. Et le groupe Les Chômeurs, hein, pourquoi pas, faisait Si j'avais beaucoup d'argent. Alors, qui sont les Girola? C'est un duo de chansons humoristiques slash rock. Non, ils n'ont pas fait juste de l'humour, mais c'était composé de Jérôme Lemay et Jean Lapointe. Jean Lapointe, c'est qui? Eh bien, il est mieux connu aujourd'hui comme étant un sénateur, mais il a déjà fait de la chanson, de l'humour, des imitations. D'ailleurs, il n'est pas si mauvais que ça. Il a déjà été aussi comédien. Il a fait une série qui s'appelle tout simplement Duplessis. Je pense que c'est un passionné de politique. Et il avait interprété le rôle de Maurice Duplessis, le premier ministre du Québec. Et c'est d'ailleurs une très bonne série, je vous invite à l'écouter. Oui, messieurs, dames, c'est Coyote 88.3. On s'amuse, on a du plaisir. Et si vous avez des questions, 529-90-26. Connaissez-vous Joël Martel? C'est un blogueur au voir. Il a écrit récemment justement un article intéressant qui s'appelle Histoire de BS. Où il raconte comme ça qu'il connaissait un oncle qui était sur l'aide sociale, qui avait un souffle au cœur et puis qu'il était très serviable, il est mort assez jeune. En tout cas, c'est un article que vous pouvez trouver sur les internets. Alors, saviez-vous que Joël Martel faisait de la musique? Oh, que oui! D'ailleurs, il a fait des pièces qui étaient un petit peu... un propos assez louche. Non, on va en écouter un, justement. Sous son pseudonyme Joe Boca, la pièce s'intitule « Gros Indien ». J'étais en train de lire mon journal, c'était mon brief. Les gars, ils étaient dans la cuisine en train de parler de la gérante. L'ambiance était bonne, puis ça sentait le Burger King. Là-tu pas un gros Indien qui rentre pis qui a l'air méchant? Il y avait quelque chose qui ressemblait à un 12 en dessous de sa veste. Il arrive au comptoir, pis il colle deux whoppers pis une grosse frite. Tout le monde devient stressé, on savait c'était qui. C'était le gros Indien, qui faisait tour des Burger King. C'était le gros Indien, qui faisait tour des Burger King. C'était le gros Indien, qui faisait tour des Burger King. Gros Indien qui faisait le tour des Burger King. On s'était fait dire qu'il faisait le tour du Canada dans son vieux pick-up rouge avec son 12 en dessous de sa veste. Il collait des whoppers dans toutes les villes pis quand ils aimaient pas, ben bing bang dans la cuisine, tout le monde était explosé. C'était le gros Indien qui faisait tour des Burger King. C'était le gros Indien qui faisait tour des Burger King. C'était le gros Indien qui faisait tour des Burger King. Gros Indien qui faisait tour des Burger King. C'était le tour des Burger King. C'était le gros Indien qui faisait le tour des Burger King. Gros Indien qui faisait le tour des Burger King. Burger King allait me chercher un liqueur. Qui c'est que je vois pas assis au comptoir? Belle fille du quartier. Hey, que se fait là, toi? Mange Burger King comme moi, hey, on s'en se là. On se promener dehors dans mon char, mais t'es des clowns, t'es des grêtes. J'aurais peut-être se mettre du Lipsil aussi. Non, pas dans les yeux, là, mais du Lipsil sur les lèvres. Puis après ça, on peut s'embrasser, là, man. T'as même une voix grave. C'est-tu facile, le mini-pot? Fini le look straight. Je Je m'en viens gothique, manqué de peur de moi. L'entends-tu pleurer? Fini la look straight. Je m'en viens gothique. Hey, hey, manqué de peur de moi. L'entends-tu pleurer? J'ai fini mes études à 22 ans. Même pas eu de crise d'adolescence. Commencer à être avocat à 23 ans. Après un méchant road trip autour du lac Saint-Jean. Hey, hey, fini le look straight. Je m'en viens gothique. Hey, mon kid de peur de moi. L'entends-tu pleurer? Passer ma vie là, je pensais pas changer. Fini le look straight, je m'en viens gothique. Hey, hey, manqué de peur de moi. L'entends-tu pleurer? Commencé à pharmacie, j'étais allé acheter des couches. C'est en avant du maquillage, pis c'est là que ça a cliqué. J'ai vu du cutex noir, pis du rouge à lèvres noir. Deux heures plus tard le soir, j't'ai rendu gothique. Hey, fini le look straight, j'm'en viens gothique. Donc on y est, au dernier trou, la courbe. Oh! Away back! Away! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Ouh, veste en cuirette rouge. 47 zippers. Ouh, veste en cuirette rouge. 47 zippers. Avant, t'étais la plus haute. Avec ta veste en cuirette rouge. Toi pis ta veste en cuirette rouge. Ouh, veste en cuirette rouge. 47 zippers. Ouh, veste en cuirette rouge. 47 zippers. Mais t'as voulu rester le plus hot avec ta veste en cuirette rouge. Tout le monde se crisse maintenant toi. Toi et puis ta veste en cuirette rouge. traverse en cuirette rouge. On a peur pour nos enfants. C'est free comment que t'es pareil à Michael Jackson. Veste en cuirette rouge. Est-ce que vous en avez déjà eu une? Pas moi. Ah, c'est toujours du cuir noir, comme les loupards. On vient d'entendre Martel Solo. C'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Joël Martel, blogueur au revoir. Et la pièce s'appelait Veste en cuirette rouge. On a également entendu Gothique et Gros Indien. Mais cette fois sous le pseudonyme Joe Boca. Toujours est-il que... Vous êtes mêlé? Ben vous allez sur martelsolo.com. Vous allez pouvoir télécharger toutes les tunes de cet individu sous toutes sortes de pseudonymes. Il se caractérise lui-même. Il s'appelle lui-même le Grégory Charles des pauvres. C'est quelqu'un de prolifique qui écrit des petites chansonnettes font pas trop réfléchir, disons-le, mais il y a quand même le sens de la mélodie, le sens du riff qui accroche. Je vais vous donner un exemplaire de ses créations. Donc, sous le pseudonyme Martel Solo, il a fait un album qui s'appelle Poutine de vie, Boule à 10, Cul de jatte, Jambes de botte et de Sylvain Cossette Nemesis Project. Et sous le groupe Les Patates Impossibles, il a fait un album qui s'appelle Des choses, Electro tôt le matin, Guitare le soir, Amber Dog, Comme envie, Tu traverses la rue, Tu te fais frapper. Très bon. Donc bravo, Martel Solo, Martel, Joël Martel, Les Patates Impossibles, tout ça en même temps. Ça, c'est le Ozzy Osbourne de l'orgue. Aimez-vous la musique latinos? Hein, on est à Gérimundo, alors on va rester dans le terroir du monde. On va aller écouter un groupe qui s'appelle les Chacachas. Oh là là, c'est Kaya 88.3, François G. Couillard. Stupid. on se tient dans une position de détente, on reste complètement immobile, complètement immobile. Et tout au long de cet exercice, il est suggéré de prendre des respirations profondes et lentes sans tout de même faire de trop grands efforts. On se laisse se reposer, on se détend, on se détend, on se laisse aller complètement, complètement calme, de plus en plus détendu. Oh, Bill. Cool down. Woo! John. Another drink. Another. Oh, Bill. Look at those two. Tony, what are you doing? Oh, you. Hey, that sofa is king size. Wow, what a party. See the marks of your bathing suit from last summer. Well, compare with your hands. Ooh, Tony. Hey, who turns out the lights? Hey, whose feet are these? Hey, that's good music, eh? Oh, shake it, baby. It's really hot in here. Cha-cha-cha. Cha-cha. Hey, Tony, how is it over there? Oh, don't worry. And I'm gonna tell you later. Contente d'être ici. Les chambres sont très bien. Ça n'a pas pris tant que je me suis fait des amis. En plus, il y a plein d'activités. On peut se faire masser, participer à des ateliers d'art, s'entraîner, ou juste se retrouver dans le salon pour jaser. Vraiment, on est traité aux petits oignons. Alors, c'est sûr que j'aimerais mieux pas avoir le cancer, mais ici, au moins, je me sens soutenue. Durant les traitements contre un cancer, on a besoin de soutien au quotidien. C'est ce que la Fondation québécoise du cancer offre partout au Québec. Pour faire un don, visitez cancerquebec.com. Culture, c'est votre rendez-vous culturel du jeudi à CKIA. Diffusé tous les jeudis de 11h à 13h, Culture vous propose des entrevues avec des artistes connus comme de la relève, des rencontres avec des intervenants culturels, des suggestions de sorties, des comptes rendus et plus encore. Pour être branché sur la vie culturelle de Québec, écoutez Culture en compagnie de Julie Réaume les jeudis de 11h à 13h sur les ondes de CKIA 88,3. Dimanche midi, place aux livres à CKIA FM. Chaque semaine, l'équipe du magazine littéraire Épilogue vous propose critiques, tables rondes, entrevues et actualités sur tout ce qui grouille et grenouille dans le monde du livre d'ici et d'ailleurs. Épilogue, dimanche midi, sur les ondes de CKIA FM. Vous avez des droits. Êtes-vous bien sûr de les connaître? Ici Julien Bilodeau, en compagnie de l'avocate Maude Bégin-Robitaille du Centre de justice de proximité de Québec. Nous vous donnons rendez-vous tous les lundis à midi sur CKIA FM. Tous les dimanches matins, dès 8h, Santé en direct, avec Joanne Verdon, naturopathe, vous propose d'améliorer votre santé grâce aux médecines alternatives. Dès 8h les dimanches, Santé en direct à CKIA. Bonjour, ici Paul Bichet. Vous êtes à l'écoute de CKIA FM 88.3 à Québec. Tendez l'oreille, on parle de vous. On oppose au grand bruit la grandeur du silence, l'enfer au paradis, au savoir l'ignorance, au mensonge à l'abus, y a le pouvoir de la rue, arrêtez-la. Nos mains contre la haine, il y a trop de haine. Thank you. toujours à Giramundo en compagnie de François Gécouillard. Le bloc qu'on a entendu avant la pause était dédié au Chacachas. Oh, je l'ai dit comme faux. On a entendu The Party. C'est le genre de pièce instrumentale avec des gens qui font des commentaires comme dedans un party stéréotypé. On a entendu la pièce Turtle Soup et Super Cat. Ça, c'est la pièce où ils crient comme des malades. J'en ferai pas de démonstration. Les Chacachas est un groupe, détrompez-vous, mais c'est un groupe belge composé de musiciens latinos, dont la femme du chanteur Tito Puente. Et ils ont eu beaucoup de succès avec des chansons comme Eso es el amor, Rebecca et Twist Twist. Oh la la! Vous n'avez aucun talent pour chanter? Vous faites fuir votre famille lorsque c'est le temps de sortir le karaoké dans le temps des fêtes? Ne vous en faites pas! Car l'essentiel, c'est d'agir naturellement. C'est du moins ce que va nous raconter Miss Miller elle-même dans un bloc dédié aux mesdames. Français, pour faire répéter, choisit entre plusieurs formules. La plus courante est « Comment ?» Naturellement, une personne bien élevée ne va pas demander « Quoi ?» ni surtout. Thank you. muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay, ay. Formule à retenir, avoir facile n'est pas français. De nos jours, il y a des pièces qui vraiment auraient bien étonné nos grands-parents. On permet une liberté de langage au théâtre qu'on n'aurait pas soupçonné vers 1895, évidemment. Mais enfin, à cette époque-là, les gens aimaient tout de même entendre des choses un petit peu égrillardes, un peu gentilles. Et alors, ils avaient trouvé un moyen qui était tout à fait naturel et qu'on appelait le sous-entendu. Alors, partout, il y avait des sous-entendus, des allusions. Ainsi, dans toutes les opérettes, vous avez des choses qui sont en sous-entendu. On ne disait pas « deux amoureux sont allés s'embrasser dans le jardin », on disait « ils sont allés cueillir du lilas dans le bois de Chaville », où ils ont été apprivoiser un bel oiseau. Tout le monde comprenait quel était le genre d'oiseau. Et tout le monde était content de l'entendre comme ça, un petit peu d'une façon détournée. Et alors, c'est ça que nous allons vous montrer, en vous chantant une petite chanson qui date de 1906, qui était dans une revue aux ambassadeurs. Et dans cette revue, il y avait une dame qui arrivait avec un petit appareil photographique et qui expliquait, soi-disant, la manière de faire une bonne photographie. Et en réalité, c'était la manière de bien embrasser la personne que l'on aimait. Et voilà, vous allez entendre ça. Oh, ce n'est pas compliqué, c'est plutôt gentil, un peu inoffensif. Mais enfin, c'est plein d'allusions. Entre ses doigts, on prend le cliché. Et puis, à l'instar de Gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement, sans secousse, avec minutie. On commence le développement de la photographie. Le cliché baignant dans son bain, il faut alors, sans maladresse, agiter jusqu'à ce que le dessin de l'image tout à coup se dresse. C'est là la grande précaution. Il faut remuer l'effigie pendant toute l'opération pour faire une bonne photographie. Le cliché monte, il se maintient à merveille sur la plaque sensible. Attention, voilà que ça vient même aussi bien que possible. Il ne s'agit pas, en vérité, après autant de minutie, d'avoir à la fin qu'un raté en guise de photographie. C'est fini, faut pas s'énerver. L'opération est complète. Il ne reste plus pour le laver qu'à mettre cliché dans une cuvette. Et si le plaisir est sans pareil qu'on a pris à toute cette chimie, on recharge son appareil pour faire une autre photographie. Le Belge croit volontiers que, s'il vous plaît, est la formule magique qui fait de lui l'homme poli en toutes circonstances. Pour demander quelque chose, il ajoute « s'il vous plaît ». « Voulez-vous me passer la carte, s'il vous plaît ?» Et c'est très bien. Mais quand il donne ou qu'il présente quelque chose, il dit encore « s'il vous plaît ». Ici, ça ne va plus. Il convient de dire simplement « voici ». Des hommes bien balancés, je ne vois que ça dans mon passé. Depuis Toto, roi du Sébaston, jusqu'à des cocos, préseurs de coco, les demi-quarts de portion n'ont jamais fait ma passion. Les petits chétifs qu'on voit par les tifs n'ont jamais tenté de mes voluptés. Tout mon corps, mes trésors n'ont été qu'à des hommes forts. J'ai un faible pour l'effort, j'aime les torts et adore tous les picadors, tous les matadors, tous les matamors. J'ai un faible pour l'effort, aux petites gueules en or, je préfère le butor, le bandit arsor et la vache qui mord. J'ai un faible pour l'effort, ceux-là dont le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du port, tous les gars de chenor, les tontors, les éteurs, les ténors, les pétors, les polices, les castors et les sergents-majors. Et les conquistadors. Lorsque je lis des romans, je pense différemment. J'aime le héros malingré Palou, le poète fatal et sentimental. Quand je vais au cinéma, c'est la victime qui m'a. Je pleure sans peur quand Gary Cooper en vos pull-over agonise et meurt. Mais dans l'intimité, quand viennent les réalités, j'ai un faible pour les forts, les durs et les toréadors. J'ai un faible pour les forts, les déménageurs à moins de 100 ans. J'ai un faible pour les forts qui sont comme les cheveux d'Éléonore. Ceux-là qui quand tout d'or recrée, donne-moi encore ton regard de ténor et ta petite gueule qui mord. Oh mon conquistateur. Et oui, vous êtes toujours à Giramundo avec François Gécouillard. On vient d'entendre un bloc consacré aux belles voix des mesdames. De madame, on a entendu dans ce bloc l'incroyable, la sulfureuse, la l'incompréhensible Miss Miller avec sa pièce Act Naturally. Ça, c'est une. Comment on appelle ça dans une reprise? Une interprétation. C'est qui a fait la version originale de Act Naturally? Jean-Pierre, c'est ça, toi? C'est-tu? Act Naturally? C'est les Beatles. Ah, je sais pas. Jean-Pierre ne sait pas non plus. Et on a entendu également... Bon, évidemment, le système informatique a planté, alors on a mis une pièce tirée du folklore péruvien. C'était de la cumbia psychédélique de... Juaneco y su combo avec la pièce Ya se ha muerto mi abuelo. La force de l'espagnol, ça veut dire mon grand-père est déjà mort. Il est mort en buvant de la bière. Il est mort en mangeant du souris. Souris, je ne sais pas c'est quoi. Ça doit être une sorte de bouffe traditionnelle péruvienne. Aucune idée. On a aussi entendu l'incroyable Pauline Carton qui faisait une photographie et qui expliquait au début c'était quoi un peu le concept de la chanson grivoise. Et elle faisait aussi « J'aime les hommes forts ». Alors, elle m'aimait, moi, comprenez-vous, parce que moi, je suis très, très fort. Pauline Carton, est-ce que c'est son vrai nom, croyez-vous? Non, évidemment. Son vrai nom, c'est Pauline Aimée Biarrez, qui est née à Paris. Donc, une comédienne, chanteuse, auteure de théâtre et de cinéma français. Elle est morte en 1974. Et la fille d'un ingénieur des chemins de fer qui a été le bras droit du baron Haussmann. Vous savez c'est quoi Haussmann? Quand on va à Paris, là, tous les bâtiments à 6-7 étages, là, ça, c'est la signature d'Haussmann. Moi, que je ne m'abuse. Là, si je me trompe, 529-90-26. Et elle était connue pour son humour caustique et son accent populaire, alors qu'elle venait d'une famille bourgeoise. On l'a reconnu, justement, son accent populaire dans ses deux chansons extraordinaires. Pauline Carton. On va continuer avec un bloc consacré, pourquoi pas, à la guerre du Vietnam. Je suis tombé sur une série d'albums qui répertorie des chansons enregistrées à l'époque de la guerre du Vietnam. Et t'as là-dedans toutes sortes de chansons. T'as des chansons pour la guerre, puis t'as des chansons contre la guerre. Alors, j'ai fait une sélection de trois pièces. On va commencer avec... les trois pièces que j'ai choisies, c'est des chansons qui tournent un peu en dérision à la guerre. On va entendre Marty Gandhi, qui fait « There's a War », une chanson de 1964. There's a war in Iraq, ba la la la la la. There's a war in Cyprus too. There's a war in Ghana, ba la la la la la la la la la. They are rioting in Panama, ba la la la la. They are bombing in Aden too. Things were never bleaker in Tanganyika, fa-la-la-la-la-loo. They are hanging people in Cuba, I die diddle die dum del. They are hanging people in South Africa as well. There's disorder on the border of Thailand, Bala. And there's more in the Congo, too, Zulu. Things were never less chittier, more inferior in the interior of Algeria, Bala, la, la, la, la. Skirmishes in Laos, fa-la-la-la-lee. Just how merry can we be? There's hysteria in Syria, fa-la-la-la-la. And always it's understood. There's a hydrogen bomb, fa-la-la-la-la-la-la. That can end this song for good. Où sont-ils, verges souveraines, mais où sont les fesses d'antan? Well, a brave marine commander near Da Nang thought his men's rough ways might tend to boomerang. To improve their tarnished image out there on the line of scrimmage, he issued these instructions to his gang. Well, mind your manners, boys. Oh, mind your manners, boys. And don't shoot ladies before you tip your hat and tell 'em hi. Mind your manners, boys. Oh, mind your manners, boys. And be sure to wave goodbye before they die. Well, the Vietnamese are really rather weird. Seems they like it when their elders are revered. So if you've got a nab, an old man, and you feel like grabbing hold, man, grab his arm or leg or neck, but not his beard. And mind your manners, boys. Oh, mind your manners, boys. And don't shoot ladies before you tip your head and tell them, hi, mind your manners, boys. Oh, mind your manners, boys. And be sure to wave goodbye before they die. Well, in South Vietnam, the men like holding hands. This doesn't mean there's something funny in their glands. So don't call them queens or queers. Try to cover up your jeers, or the people here will never be our fans. And mind your manners, boys. Oh, mind your manners, boys. And don't shoot ladies before you tip your hat and tell them, hi, mind your manners, boys. Oh, mind your manners, boys. And be sure to wave goodbye before they die. Oh, the folks out here are full of gloom and doom. They feel hurt if we shoot up a grave or tomb. So if you gotta use your guns, just pass up the skeletons and make sure your man's alive when you go boom. And mind your manners, boys. Oh, mind your manners, boys. And don't shoot ladies before you tip your hat and tell them, hi, mind your manners, boys. Oh, mind your manners, boys. And be sure to wave goodbye before they die. Well, we're gonna bomb and kill till freedom rings. But there are certain duties freedom brings. When you're out for liberation, you are not on your vacation, so just liberate the people, not their things. And mind your manners, boys. Oh, mind your manners, boys. And don't shoot ladies before you tip your hat and tell them, hi, mind your manners, boys. Oh, mind your manners, boys. And be sure to wave goodbye before they die. D'après Victor Hugo, la conscience. Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un cul, tout grand ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. Oh, sergeant, I'm a draftee, and I've just arrived in camp. I've come to wear the uniform and join the martial tramp. And I want to do my duty, but one thing I do implore. You must give me lessons, sergeant, for I've never killed before. To do my job obediently is my only desire. To learn my weapon thoroughly and how to aim and fire. To learn to kill the enemy and then to slaughter more. I'll need instruction, sergeant, for I've never killed before. Now there are rumors in the camp about our enemy. They say that when you see him, he looks just like you and me. But you deny it, sergeant, and you are a man of war. So you must give me lessons, for I've never killed before. Now there are several lessons that I haven't mastered yet. I haven't got the hang of how to use the bayonet. If he doesn't die at once, am I to stick him with it more? Oh, I hope you will be patient, for I've never killed before. And the hand grenade is something that I just don't understand. You've got to throw it quickly or you're apt to lose your hand. Does it blow a man to pieces with its wicked muffled roar? I've got so much to learn because I've never killed before. Well, I want to thank you, sergeant, for the help you've been to me. You've taught me how to kill and how to hate the enemy. And I know that I'll be ready when they march me off to war. And I know that it won't matter that I've never killed before. I know that it won't matter that I've never killed before. Thank you. trois pièces sur la guerre du Vietnam, des pièces qui tournent en dérision. La guerre, toutes les guerres. On a entendu Pete Seeger qui faisait The Willing Conscript, Jacqueline Sharp qui faisait Mind Your Manners Boys, et Monty Gunty faisait There's a War. There's a war in Iraq, la la la la la la la la la la la la. Comme si on y était. Et bon, Pete Seeger, destin tragique, un journaliste et protest folk singer, donc un chanteur protestataire. Il s'est suicidé, et oui. Il y avait un problème de santé mentale, il était un peu dépressif. Mais sinon, Jacqueline Steiner, qui a fait une chanson quand même très intéressante, qui Mind Your Manners Boys, donc je pense que c'est une chanson qui critique l'hypocrisie de l'état-major des Américains, l'état-major des armées, qui disent d'être polis avec les locaux, avec les Vietnamiens, tout en les tuant et en les, en les éviscérant. Alors, on a quelques beaux exemples dans la chanson. Et dans le refrain, elle dit « Avant de tuer une femme, n'hésitez pas à lui saluer avec votre chapeau. » Des choses comme ça. Si vous traînez un vieillard à l'extérieur de sa maison, ben priez de ne pas lui tirer la barbe. Mais vous pouvez lui tirer tout le reste. Ça, il n'y a pas de problème. Ben, d'ailleurs, c'est... L'hypocrisie, typiquement, là, des forces armées, là, a été dénoncée. Il est également dans le film... Vietnam, voyons, c'est... Apocalypse Now, voilà. Où il y a Marlon Brando, là, l'espèce de commandant là, des rebelles. Il faisait des remarques dans ce sens-là. Il disait que l'état-major défendait aux soldats d'écrire des gros mots sur les bombes parce que c'était vulgaire. Alors, voilà. On va continuer dans le même esprit. On va écouter une pièce qui s'appelle Ramadan dans l'espace-temps. Ramadan in Space-Time. Voilà, je pense que c'est un groupe libanais. Et vous êtes en compagnie de François Gécouillard. Et on est toujours dans Giramundo. Oh, on tourne autour de la Terre. Giramundo. Thank you. Thank you. petit bloc de musique africaine, pourquoi pas à Giramundo. On a entendu Stanislas Tohan qui faisait la pièce Oku. Et c'était du rock, jazz, machin, béninois, du Bénin. Et on a entendu Salaragab et The Cairo Jazz Band avec Ramadan in Space Time. Ramadan, ça fait effectivement, bien sûr, référence à la... au 9e mois du calendrier musulman. Donc, c'est une période de jeûne pour les musulmans. C'est une période où ils peuvent pas manger pendant le jour. Et pourquoi pas Ramadan in Space Time? Hein? Pourquoi pas? Il paraît que Salah Ragab, c'est l'inventeur du jazz égyptien, le fondateur. Alors, bon. À voir. Alors que Stanislas Tohan, son album sur lequel se trouve la pièce Oku s'appelle Dans le Chink System. Alors voilà. Donc je vais vous lire c'est la critique que j'ai trouvée sur un blog. Alors cet album est un chef-d'œuvre totalement afrobeat et imprégné du rythme chinkoumé béninois que Stanislas Tohan a su merveilleusement moderniser. Produit par le plus grand producteur de l'époque en Afrique de l'Ouest, Papa Disco, l'orchestration, les arrangements et surtout la densité de l'enregistrement en font un disque unique et très difficile à trouver. Mais évidemment, plus maintenant, parce que l'Internet étant ce qu'il est, tout se trouve sur Internet maintenant. Tout se trouve! Avez-vous déjà écouté de la musique béninoise, mais marxiste-léniniste? Hein? Oui, messieurs, dames, vous allez écouter ça à CKIA. C'est pas mal juste à cette radio-ci que vous pouvez écouter ce genre de choses-là. Trois pièces, tiens, tirées d'une curiosité, un groupe curieux que j'ai découvert il y a environ un an. Alors, c'était à une époque où le Bénin était dirigé par un président marxiste-léniniste. On va écouter la pièce Bénin chéri. Tiens, pourquoi pas? ton vrai visage. Véné chérie, t'es plus l'enfant malade de la fée. Le socialisme, ta seule voie de salut. Le massif léniniste, ta boussole et ta lumière. Véné chérie, t'as retrouvé ton vrai visage. Véné chérie, t'es plus l'enfant malade de la fée. Pourtant je t'aimerai toute ma vie. Tu es ma mère, tu es la seule, tu es ma patrie. Charmant pays, semé des palmiers d'argent. Joli ombrage, baissé par les coquerelles. Des noix de coco, au lait douce et délicieux. Béné chérie, tu es ma mère, tu es ma patrie. Béné chérie, je t'aimerai toute ma vie. Really, really. Et c'est tout pour l'émission Giramondo de cette semaine. Pour écouter cette émission, pourquoi ne pas aller sur jeunefou.blogspot.com? Sinon, je vous dis peut-être dans un mois, où ce sera le retour de François Gécouillard. Je vous laisse au bon soin de Jean-Pierre et son métal déchaîné. Il sort tout droit de l'enfer, il a les cheveux longs, il est prêt. Je pense qu'il est prêt. Es-tu prêt, Pierre? Jean-Pierre? Ah, c'est du rock. OK, c'est du rock. C'est le vendredi de métal, c'est bon. OK, rock and roll. Je vous laisse là-dessus. Allez, à plus.